Tiens, en voilà une licence que j'ai toujours aimée. J'imagine que cela doit être un challenge de maintenir un équilibrage et une cohérence dans ce genre de crossover. En effet, imaginez un combat entre Hulk et Arthur de Ghost and Goblin. Difficile de penser que le petit chevalier de Capcom ait la moindre chance face au colosse de Marvel. Et pourtant, il le faut pour que le jeu ait un intérêt. Personnellement, je trouve que ce soft favorise les personnages rapides, mais l'équilibre est plutôt bon. Mon fils, par exemple, adore le combo Hulk, Agar et Sentinelle. Et il arrive à me tenir tête. Et c'est là le petit miracle de ce soft. Sa prise en main immédiate est extrêmement simple, le rendant accessible à tous. En plus, le roster comporte certes des têtes d'affiche connues et attendues, tels Spider-Man ou Ryu, mais aussi des personnages plus obscurs et aux maniements un peu plus techniques, comme Amaterasu ou Arthur dont on parlait tout à l'heure. Techniquement, le jeu est très beau, tout est cohérent graphiquement, et le seul bémol à mon goût, c'est son boss final un peu too much.